On voit des chèvres qui ont angora, qui ont plein de laine. Voilà, ici, bon, une des spécificités peut-être de notre activité, c'est la chèvre angora. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent cet animal-là. Donc c'est une chèvre qui est originaire de Turquie et qui fait du poil. Voilà, donc nous, on a un élevage uniquement pour la toison. Pauline travaille avec Loïc à la ferme des Moulisses à Camarade. Elle nous parle de l'aménagement ergonomique de ces bâtiments, mais aussi de comment prendre des vacances. Voilà, et donc nos chèvres, elles ne font que produire du mohair. Et donc on va les tondre deux fois par an, une fois en février, une fois en août. On trie la toison sur la ferme, et puis après on est regroupés en coopérative. On est 70 éleveurs sur toute la France à travailler ensemble pour la transformation de notre mohair. On n'a pas changé grand-chose sur le fond de l'activité, finalement, parce qu'ils faisaient déjà des visites à la ferme. Ils faisaient déjà tout en vente directe, essentiellement sur la ferme. Ils avaient déjà les chèvres angora d'une taille à peu près, de troupeau à peu près équivalent. On a un peu augmenté, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, nous, on a beaucoup travaillé, par contre, sur l'aménagement du travail. Voilà, la facilité du travail au quotidien. Voilà, donc ça, il y a eu plusieurs points. Il y a eu d'abord l'espace de vente, qu'on a refait entièrement. Je ne sais pas si vous avez ces problématiques-là de présentation des produits que vous commercialisez, s'il y en a beaucoup en vente directe ou pas. Mais nous, on a vraiment travaillé là-dessus pour que la présentation soit... Enfin, vous me direz, mais elle est jolie, je pense. Voilà, jolie, qu'elle soit facile aussi, parce que l'été, on a quand même un certain passage, et que bien qu'il y ait du passage et que les gens y touchent, y remettent et tout ça, mais en fait, que ça reste d'un aspect à peu près rangé... Mais voilà, on a quasiment rien qui touche au sol. Quand on veut passer un coup de balai, un coup de serpillière, c'est vraiment très facile. Voilà. Parce que moi, je me suis rendu compte que les choses, si c'est pas facile, je les fais pas. Voilà. Je suis un peu feignante. Et on a eu un peu cette réflexion-là aussi sur... parce qu'on a dû construire une chèvrerie. Voilà, le bâtiment qui est en bas, là, c'est nous qui l'avons fait. Parce que nos prédécesseurs, quand on a repris, c'était un peu dans le contrat de reprise, hein, ils voulaient récupérer certains bâtiments qui étaient vraiment attenants à leur maison. Mais c'est vrai qu'à force de réfléchir à ce bâtiment, on s'est dit, mais tant qu'à en construire un, pourquoi on ne le construirait pas un peu plus grand? Et on met toutes nos chèvres, ou en tout cas on regroupe deux troupeaux dedans. Et du coup, on se facilite vraiment le travail au quotidien. Voilà, et finalement, c'est ce qu'on a fait et on en est très contents aujourd'hui. On a quatre groupes de chèvres. Voilà, deux principaux qui sont sur la ferme et deux un peu plus loin. Donc les deux qui sont sur la ferme, je mettais 1h30 le matin et le soir pour les faire manger. Et actuellement, si je mets 3/4 d'heure, c'est grand max, quoi. Donc voilà, ça fait quand même, quand c'est du quotidien, ça fait quand même un grand gain de temps et finalement de fatigue, d'énergie. Voilà, moi j'ai eu un petit garçon il y a 2 ans, mais j'ai fait manger mes chèvres jusqu'à quasiment la fin. J'ai eu aucun souci physique pour les faire manger, quoi. Voilà. Donc bon, je me dis quand je serai vieille, près de la retraite aussi, ça sera... ça peut être bien aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'on arrive à faire manger 60 chèvres en 10 minutes, voilà, on est content de nous. Nos chèvres, finalement, ça se rapproche assez bien des animaux pour la viande au niveau des contraintes dans un bâtiment. Du coup, on a réfléchi à un quai central. Enfin, ça, maintenant, c'est ce qui se fait beaucoup, hein, avec une balle qu'on va dérouler. On a une porte là-bas où on vient déposer le foin, la balle de foin au tracteur. Et on a le stockage de foin qui est juste derrière vous, qu'on ne voit pas là, mais qui est juste derrière. Et au-dessus, on va stocker la paille pour le paillage et également les balles de regain, parce qu'on fait des petites bottes carrées pour le regain. Et du coup, on le stocke aussi à l'étage. Du coup, on va partitionner en fait les espaces un peu comme on veut. Et après, on a mis des abreuvoirs aussi assez multiples. C'est un peu pour ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut partitionner un peu où on veut. Il y a toujours un groupe qui a l'abreuvoir, ils ont toujours une sortie sur l'extérieur. Et après, l'autre truc qu'on a et qu'on a trouvé ça super, c'est ces barrières, là, le système des barrières avec un petit anneau en fer à béton. Ça permet vraiment de séparer les chèvres. Et puis quand on veut les vermifuger, en fait, on fait un petit parc. Bon, le chien nous les met dedans. Et en fait, au fur et à mesure, on a vermifugé les chèvres, on réduit la taille du parc. Ce qui fait que les chèvres, elles sont toujours serrées, qu'on n'a pas à leur courir après pour les attraper. Ce qui fait que vermifuger... Pépa, viens. Vermifuger un groupe d'une quarantaine d'animaux, les jeunes derrière, je le fais toute seule et j'y passe un quart d'heure quand je dois le faire. Voilà, après les chèvres, on a réduit le temps qu'on passait pour leur donner à manger, mais du coup, à la place, on s'est mis des contraintes supplémentaires Parce que bon, pour les elles ont des parasites et du coup on les vermifuge. Avant Marco et Nicole, ils étaient tout en produits chimiques, ils faisaient pas trop spécialement attention. Donc on a essayé de passer aux huiles essentielles. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus de surveillance. Et quand on fait des traitements, c'est 3 jours d'affilée sur tout le troupeau. Et du coup, finalement, c'est vrai que le temps qu'on passe pas à les faire manger, ben, on essaie de le passer à faire des actions comme ça. Voilà. Et après, voilà, et l'autre réflexion qu'on a eue, et bon, ça c'est venu un peu après, et c'est encore en cours de construction, on va dire, c'est sur la partie temps libre, vacances, flexibilité. Voilà, nous, bon, les chèvres Angora, par rapport à beaucoup de productions, enfin, par rapport, on va dire, à toutes les productions laitières, c'est déjà beaucoup plus flexible. Finalement, en fait, on a rencontré, par le biais de la Confédération Paysanne, un couple. Alors, eux, ils ne sont pas du tout agriculteurs. Lui, il est artisan coutelier. Et elle fait des séjours en calèche avec des chevaux. Et du coup, ils cherchaient un endroit où installer leurs activités. Donc, elle, il lui fallait quelques hectares pour nourrir ses chevaux. Donc, elle a 4-5 chevaux. Et lui, il lui fallait un atelier pour pouvoir faire ses couteaux. Voilà. Donc, l'idée, c'est que nous, on leur prête les locaux, les terres, et qu'en échange, ils nous remplacent quand on part en vacances, quelques week-ends par an, et aussi nous donner un coup de main sur la ferme quand on a des boulots qui nécessitent d'être un peu plus que deux. Voilà, quand. Enfin, bon, je sais pas, ça doit être pareil pour les brebis, ça, quand on coupe les ongles et tout ça. Voilà, nous, on aime bien être trois, quoi. Regarde les moutardes. C'est juste le faire celle-là, c'est trop bien, celle-là. Avec une petite jupe. Qu'est-ce que vous regardez là? Les chaussettes. Et ça tient longtemps.